Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Comme annoncé la semaine dernière sur l'émission de reprise pré-enregistrée, on est eh bien, ce soir présent pour une émission en direct depuis les studios de Radio Béton. Hein, ça rappelle presque une belle et vieille époque où on prend le direct juste après le direct du Freaky Mix, presque comme si c'était rien passé pendant près de 2 ans. Incroyable. Pas mal de petites nouveautés, non, en fait, parce qu'il y a des nouveautés à tous les niveaux pour ce soir, au niveau de la diff. Présence de Thibaut, donc forcément, on aura du focus international et du focus français. Voilà pour les rapides représentations concernant l'émission de ce soir. On attaque direct avec une des toutes meilleures sorties Brutal Death de cette fin d'année 2021, le Protoslam de Pyrexia, la formation ricaine qui nous a sorti un monstrueux Gravitas Maximus. Alors au niveau des retours chroniques, analyses, etc., c'est assez unanime, l'album est juste trop court. Il est excellent à tous les niveaux, mais il est juste cruellement trop court. C'est vrai que moi je me suis pas mal fait tourner de mi-novembre à fin décembre, et il n'y a vraiment rien acheté sur ce nouvel effort studio d'Ericain, le sixième au passage. Et en doublette avec Pyrexia, on s'écoutera les Suédois de Unanimated, le groupe de Melodic Black Death, bien sûr, hein, sorti de la cuisse de Dissection. Victor in Blood, le nom de leur quatrième effort studio. Bludgeon by Deformity, Pyrexia, The Golden Dawn of Murder, signé Unanimated, et les deux albums bien évidemment sont déjà sortis fin 2021, et bienvenue dans l'émission. We'll be right back. enchaîne avec une doublette venue des États-Unis. Tout d'abord, Fortress, groupe de. Alors, on n'est pas confondre avec Forteresse, hein, bien sûr, le groupe de black québécois. Fortress, là, ça nous vient des États-Unis. Je viens de voir Thibaut s'illuminer de l'autre côté du studio. Pardon, Fortress, ça nous vient des États-Unis. C'est du revival heavy typé années 80. C'est clairement dans le jus des années 80. C'est ultra catchy sans être ridicule. Bien au contraire, c'est super efficace. L'artwork même est très soigné et très. SF d'ailleurs dans le style. Dancepair's Wicked, c'est le nom de ce premier effort studio longue durée pour Fortress. C'est une nouveauté de la semaine dernière. Une sortie sur le très très bon et très fin label Hide Roller Records. Et dans la foulée de Fortress en doublette Absou. Le groupe construit sur la cendre de Absou par monsieur Proscriptor McGoverns, bien sûr le batteur vocaliste de Absou, qui a fait splitter le groupe en 2020 et qui, depuis son fin fond du Texas, a remonté Absou. Pour sortir son premier effort longue durée sous le nom de Absou, Proscriptors McGovern Absou. J'espère que vous avez tout bien suivi, ça reste du black trash qui tâche et qui enfile. Fortress Lost Forever, Absou The Coagulating Respite, c'est parti. We'll be right back. 21h20 à la pendule de Radio Béton, vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, on est sur les antennes du 93.6, on est de retour en cette deuxième émission de janvier 2022 pour une émission en direct. S'en suivront deux émissions en différé, puis la prochaine émission où nous sommes présents dans les studios aura lieu le dimanche 30 janvier. Bon, on aura le temps d'en reparler dans les dimanches à venir. Et puis, d'ici la fin de cette émission. Et même normalement, dans ce climat chaotique et bien merdique, on devra même pouvoir parler de dates à venir dans les semaines futures. Et on y croit, hein, si. Thibaut nous rejoint à l'antenne pour le premier focus de ce soir. Et arrête ce petit air critique. Pardon ? Oui. Non, moi, j'ai rien dit, moi. Du coup, bonsoir tout le monde. Premier focus de la soirée et je me suis intéressé un peu à un groupe qui s'appelle Friendless qui sort là son deuxième album. C'est un groupe danois formé en 2013 qui fait grosso modo du death metal pato. C'est assez lourd. Là ils sortent leur album donc chez Nuclear Winter et découverte totale parce que je connaissais pas du tout le groupe et je dois dire que c'est surtout le visuel de la pochette pour le coup qui m'a accroché l'œil avant d'accrocher l'oreille. Du coup je me suis penché sur leur discographie et moi, je suis allé voir leur premier album. On avait déjà un album qui était bien solide, qui posait certaines bases, mais je trouve que bon, on en reparlera, mais forcément le nouveau est beaucoup plus intéressant. 2017, donc ce premier album qui s'appelait Desolate Enscaped, qui était déjà très sourd et ultra oppressant, avec déjà un artwork hyper soigné. Ouais, l'artwork était déjà super chouette. Et mais justement, enfin, c'est ultra pathos, c'est cette espèce de rouleau compresseur que tu prends, mais t'es un peu malmené en fait pendant le truc. C'est vraiment caverneux dans le truc. Moi, j'ai déjà trouvé ultra chouette, mais ce nouvel album, donc, il a un visuel déjà qui est magnifique, beaucoup plus sombre, et clairement, ça va annoncer la couleur de ce nouvel album qui se fait plus nature et encore plus sauvage que ce qu'il avait proposé avant. C'est une pochette qui est signée alors c'est Timo Ketola qui est donc quelqu'un qui est décédé en 2020 et il a notamment fait alors il y a une belle palette de pochettes à son actif et bon moi je suis particulièrement sensible à ce groupe donc Despel Omega notamment il a fait toute une palette de pochettes et notamment Paracletus. Les albums de 2004 à 2019 en fait. Ouais. Incluant les box diverses et variées pour élargir un peu il a fait le Rhein Chaos de Dissection. Asphyx je crois qui traîne. Voilà, j'ai vu Funeral Mist. T'as une grosse palette de Vatain. Du Grave Cranium, enfin il a un peu tapé dans un peu tout. Pas mal de groupes qu'on a diffusés hein. D'ailleurs c'est marrant de recouper tout ça. Donc voilà effectivement comme disait rien qu'à l'artwork on est déjà dans l'ambiance. Ouais et puis justement ça, cette accroche ultra sombre. Et moi c'est le premier truc quoi. En voyant le visuel je fais ok je vais écouter. Et pas déçu parce que musicalement c'est beaucoup plus abouti que ce qu'ils ont proposé sur l'album précédent. Plus sombre, beaucoup plus posant encore. Il y a un espèce de relent black metal en arrière-plan qui se dessine. Et oserais-je même glisser un arrière-plan black metal grec des années 90. Là, on est hyper pointu dans l'analyse. En fait, c'est juste que j'avais pas forcément fait gaffe, mais alors on est sur une clairement thématique mythologie grecque. C'est vrai que j'ai brossé le truc très très vite au niveau des titres de morceaux Awakening Titan, Gorgon Head, Kikitos, Phlegeton et il y a même un titre en grec. Du coup on n'a même pas donné le nom de l'album mais l'album s'appelle Chimera. Voilà. Chimera même. T'as même cette espèce de vieux arrière fond de relent de la scène black grecque 90. Là on fait les ultra élitistes poseurs de ouf, ça me plaît énormément. Je te rends la parole. Tout ça pour dire que moi j'ai vraiment pris une belle claque en fait et l'ensemble il est enfin une belle claque. Je veux dire c'est pas l'album de l'année, ça reste assez classique quand même dans ce qu'il propose, mais c'est super bien branlé. C'est accrocheur et au final ça t'embarque tout comme il faut. Que dire dessus, ouais, c'est vraiment l'ambiance en fait. Globalement, c'est l'ambiance qui se dégage du truc qui fait tout le travail, je trouve. Pas spécialement l'aspect technique parce que c'est pas forcément ce que tu entends en priorité. Et puis voilà, j'ai vraiment adoré quoi. On s'écoute le titre que tu as choisi pour illustrer ce focus et on reparle après du line-up de Frenelis, parce qu'il y a forcément un petit mot à glisser là-dessus. Le titre choisi? Kimmerian Offspring Part 2. Voilà, le titre de clôture de l'album. Et il y a une paire de semaines, on s'était écouté Part 1. C'est parti, Frenelis, le titre pour illustrer le focus d'ouverture pour ce soir. Voilà, un petit morceau de Frenelis pour couper le focus en deux. Et du coup, maintenant, on peut revenir un peu sur ce qu'on vient de s'écouter et le line-up autour de ce groupe. Ouais, bah voilà, conclusion de l'album. Je trouve que c'est cette espèce de rouleau compresseur au début, comme on se disait un peu en off. Derrière, t'as un mid-tempo bien pâteau, comme il faut, en plein milieu. Et puis ce final en mode apocalypse black metal, complètement destructeur, c'est, je le trouve assez cool. Je trouvais que ça clôturait bien l'album et tout. Bah, grande richesse dans le morceau de clôture et ce chant d'outre-tombe ultra caverneux et pour le coup assez incantatoire au sein de Frenelis. Pour ceux qui ont l'oreille, on va dire, vous aurez probablement reconnu David Torturdot. Ouais, chanteur, du coup, chanteur de Angerglot. Ah! Je vais y arriver, vas-y, dis-le, parce que... Chanteur de Undergang, le groupe de Putrid Death qui nous vient du Danemark, formation emblématique de la scène danoise, où là, pour le coup, on est vraiment dans du crado dégoulinant baveux. Ouais. C'est un peu plus lumineux, on va dire, au sein de Frenelis, parce que, alors paradoxalement, parce que ces éléments black, et du coup, qui apportent un petit peu d'épique, par-dessus, là où Underground, ça respire pas, quoi. C'est juste des tripes qui dégoulinent. Là, voilà, là, ça. Petite bouffée d'oxygène entre deux ambiances. Ouais, entre deux guillemets même, parce que. Tout étant relatif. Voilà, donc pour Frenelite. C'est ok pour toi ? Ouais, c'est bon. Eh bien, parfait. Le tour. On passe à la doublette suivante, Funeral Mist. Funeral Mist, c'est autrement communément appelé Mortus fait des trucs. Mortus, bien sûr, la voix de Marduk. C'est son projet parallèle, Funeral Mist. Hein. C'est déjà le quatrième effort studio. Deiform, encore une monstrueuse sortie studio. L'album est sorti en toute fin d'année dernière, pardon. Et en doublette avec Funeral Mist, on s'écoutera Tundra. Là, c'est deux salles, deux ambiances, puisque là, on passe sur du post-metal, voire même post-rock instrumental. Donc voilà, fortement basé sur les ambiances. On peut rapprocher ça d'un Year of No Light, le groupe français, bien sûr, ou même des Ricains de Pélican. Je voyais encore de voir les yeux de Thibaut s'allumer un grand coup. La formation Tundra nous vient de Madrid, en Espagne. Ils sortent là, eh bien, déjà leur septième effort studio, sobrement intitulé X. Ils sont un peu plus inspirés au niveau des titres d'albums, parce que les quatre premiers s'appelaient juste Part 1, 2 et 3, 4 même. Voilà donc pour Tundra. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Eh ben, pas grand-chose en fait, parce que c'est pas forcément un style avec lequel je suis très à l'aise. On va donc s'écouter ça tout de suite. L'album est prévu le 14 janvier chez Inside Out Music. Funeral Mist, le morceau Hawks of Anger. Tundra, le morceau El Audio Part 1. C'est parti. Thank you. On enchaîne avec du crado dégoulinant baveux, comme on aime, et on va d'ailleurs rentrer dans l'aspect française de la plus belle des manières. Tout d'abord, Génocide Pacte, le très bon groupe de death, je dirais pas brutal, mais bien vénère quand même, hein, qu'on peut rapprocher d'un Bolthrower, Obituary, Autopsy, avec quelques petites influences... auto-influence Get Creeper-esque dans le style, voilà, Génocide Pacte, c'est un groupe qui monte, à suivre avec attention. Ils sortent là leur troisième effort studio, un album éponyme, Génocide Pacte, donc, une sortie sur le label Relapse Records, c'est quand même pas rien. Et donc ensuite, pour entamer l'aspect française, Otargos, le groupe venu de Bordeaux, qui nous sort là son huitième effort studio, Fleshborer Soul Flayer. L'album a bénéficié d'un généreux focus dispensé par l'ami Thibaut en fin d'année dernière, parce que c'est une très très très très bonne sortie. Une sortie toujours sur le label nordiste Xenocorp Records. Barbaric Regression, le type de Génocide Pacte. Et pour attaquer l'aspect française, Otargos, avec le morceau Incursion of Chaos.